Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro, peut-être dernier, à vrai dire. Non, je Non, déconne. non, t'as raison. Ok, oui. D'Impact Wrestles, bien sûr, le podcast qui parle de la TNA. Évidemment, c'est moins souvent parce qu'il y a moins de pay-per-view. Et puis le sujet aujourd'hui, ben, ce sera le grand pay-per-view de l'année. Bound for Glory, bon, il y en a quatre années Attends, là. c'était ça le grand pay-per-view de l'année? Oui, ben, attends, justement, je t'introduis parce que faut dire que on cryogénise un petit peu Gus pour la TNA. On le sort que pour les grands pay-per-view à peu près tous les 6 mois. La dernière fois, c'était Lockdown. Donc voilà le retour de Gus, qui était resté sur Jeff Hardy, je crois, en 2011. Hello. Attends, non, bah, je peux dire un petit truc avant de d'introduire notre deuxième membre. Oui. C'était de la merde, de la grosse merde en pâte. Voilà. Ah ouais, ben faut pas donner envie comme ça aux gens, hein, oh. C'était un super pay-per-view. Regardez-le, écoutez-nous et vous verrez après. Et oui, et puis vous, ben justement, alors, je vais introduire donc Sébastien maintenant. Salut Seb. Ouais, salut tout le monde. Je Je suis dis content justement. de pouvoir enfin libérer ma frustration et pouvoir parler de ce pay-per-view. Ça fait un jour que je me retiens et là je vais pouvoir me lâcher, c'est cool. Ouais, non, mais juste pour dire quand même, vous rappelez qu'il y a eu un Vintage Wessels sur Bound for Glory 2005 qui est sorti la semaine dernière. Exact. Donc n'hésitez surtout pas à l'écouter, je pense. Ça vous remettra du baume au cœur peut-être. Hein. Donc Oh, y a pas on de en mal, hein. reparlera à C'est la pas fin. faux. Ce sera pas trop difficile. Mais bon, non, mais il y a quand même beaucoup de contenu, et quand même, restez bien avec nous. On va parler après le thème du pay-per-view de Bound for Glory. À tout de suite. Et ben tout d'abord, on va commencer. Bon, le pay-per-view avait lieu à la Viejas Arena San de Diego, San Diego. California. Et oui, San Diego, la ville de Rey Mysterio. Ça n'a rien à voir. Un petit coucou à lui s'il nous écoute, sachant qu'il Il revient va. un peu sur le ring à notre show au Mexique. Et il sera absent dans 2 mois. Oui, merde, attends. Voilà, mais au moins c'est un petit coucou à lui. Je sais qu'il nous écoute. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est un fidèle auditeur. Pareil aussi, coucou à John Cena au passage, tiens. Voilà. Bon, on peut pas dire coucou aux gens de la TNA, je pense, parce que sinon on est mal barré. Mais en attendant, ben. Non, mais faut pas qu'ils écoutent, hein, ils vont prendre peur. Mais en attendant, ben, on va passer au pré-show quand même, parce qu'il y avait un pré-show. Je me demande qui l'a regardé d'ailleurs ici. Je sais même pas où était le lien, je savais même pas quelle heure c'était. Et à vrai dire, Ouais, c'est très très simple. Et... Non, mais c'est très très simple. Le je m'en battais les pré-show couilles. durait 1 heure avant le pay-per-view, c'est tout. Particularité, bah, il était pas sur YouTube, il était sur Spike TV, la chaîne du Sur câble. Spike TV? Oui. Eh oui, ils ont eu les honneurs de la télé quand même, hein. Du coup, personne l'a vu, quoi. Bah, si, quand on avait un très bon stream, moi perso j'avais un super stream qui a marché tout le pay-per-view, c'était impeccable. Mais bon, on va revenir donc au pré-show. Qui s'appelait Countdown, voilà, précisément, c'est-à-dire décompte jusqu'à Bound for Glory. Bon, beaucoup de Original. et tout, mais surtout un gros match. Bon, quand je vais l'annoncer, l'intitulé du match, non, non, hein, on est bien à la TNA, c'est pas à WWE d'il y a 2 mois, et c'est bien ça. Parce que c'était un gauntlet match par équipe pour désigner Number One Contenders, voilà. Ah, eux ils ont vraiment dit que c'était un gauntlet match. Oui. Ah, voilà, eux ils sont forts, c'est pas un tag team tournoi le match. Non. La TNA a un train d'avance sur la WWE, donc c'est déjà bien. Oui, ça c'est un petit miracle. Mais voilà, donc ça a opposé quatre équipes avec déjà on savait que les dernières entrées seraient l'équipe Bromance de Robbie et Jesse. Et puis ensuite ça s'est décidé un petit peu au tirage au sort. Eric Young et Joseph Park ont hérité de la troisième entrée. Donc du coup ceux qui ont débuté c'était Chavo Guerrero et Hernandez et qui affrontaient Christopher Daniels et Kazarian. Et donc voilà, bon, au départ c'est Daniel et Kazarian qui sont sortis vainqueurs, ensuite ils ont été éliminés par Young et Park, et puis à l'arrivée les vainqueurs au final, après 22 minutes 14 quand même, c'était Robbie et Jesse. Donc je sais pas Sébastien si t'as vu. Je l'ai vu, et bien m'en a pris, parce que c'est malheureux à dire, mais c'est presque l'un des meilleurs matchs de la soirée, c'est ça le pire. Je veux dire, c'est assez bien foutu, je trouve, l'ensemble du gauntlet, je suis pas ennuyé, Je trouve que le premier affrontement avec Chavo Guerrero Hernandez contre Badam Fulian était vraiment pas mal. La foule était dedans. Mais après, c'est le résultat moi qui me gêne terriblement parce que les bromances, quoi, c'est pas possible. Tu peux pas les faire gagner pour ton plus gros show de l'année. Il faut savoir que les bromances, c'est si on peut faire une comparaison avec la WWE, c'est des UMB quoi. Donc tu peux pas les faire gagner dans ce show-là. C'est assez fou. Je veux dire, ils ont jamais gagné un seul match tag team à Impact. Ils étaient en feud dernièrement avec ODB. D'ailleurs, ils ont perdu contre ODB et là, ils se retrouvent à gagner ce match. Enfin, je veux dire, c'est totalement incompréhensible, quoi. Ouais, puis on n'en est pas au bout de nos peines. On en parlera plus tard, justement. Mais c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que la première partie, elle est bonne, mais c'est les deux équipes expérimentées. L'année dernière, quand même, ils s'affrontaient déjà pour être titre par équipe. C'était dans un freeway où il y avait aussi AJ Styles et Kurt Angle qui étaient associés. Et le public était pas mal derrière Daniels et Kazarian, ce qui est logique, après tout, ouais. C'est normal. Après, ouais, malheureusement, le pire scénario du match est arrivé, quoi. C'est-à-dire que on est arrivé à ceux qui étaient en feud depuis quoi, 2 mois maintenant, non-stop. Eric Young, Joseph Park contre Bromance, et puis voilà, quoi. Ça, c'est malheureux. Les gars, ouais, c'est vrai, tu dis, ouais, l'équivalent du FreeMB, oui, on peut facilement faire analogie parce que déjà ils sont déjantés, mais c'est des losers. Mais d'un coup, là, Robbie qui sort vainqueur d'un four-way juste avant, lors du dernier show avant le pay-per-view, et puis là, il gagne. C'est miraculeux. Voilà, voilà. Et puis, on a vu aussi, lors du pré-show, un nouvel annonceur, Gil Corset, c'est un gars qui vient de l'OVW, le territoire développement de la TNA. Voilà. C'était pour la petite précision. Donc, on va passer, je pense, au show proprement dit, devant 3000 spectateurs, il paraît, sur 13 000. Non, mais en fait, il me semble avoir lu 3000 ventes avant l'ouverture des guichets de Bound for Glory. Donc, en gros, il devait y avoir 3000 et 100 personnes. Non, c'est vrai que 3000, c'est un peu exagéré, parce que ce qu'on fait, quand on voit bien les photos de la salle, plus vers les 5-6 000, allez, parce qu'on va dire que la salle était... un peu moins que moitié pleine, quoi. Vide, quoi, aussi, quoi, parce que... Bah, moitié vide, parce que franchement, l'ambiance qui régnait était vraiment pourrie, quoi. Vite fait parler de ça, c'est Bound for Glory, c'est le plus gros show de l'année pour la TNA. C'est quand même un scandale de voir ça, quoi. C'est leur équivalent de WrestleMania, c'est ça qu'il faut se dire, surtout. Qu'ils arrivent à faire venir que 6000 personnes pour leur plus gros show. C'est triste, parce qu'il me semble que l'année dernière, Bound for Glory avait beaucoup plus de monde. Ouais, donc, mais après, ça dépend le lieu, je crois qu'il déconne, et sérieusement, le lieu n'est pas bon. J'ai rien contre San Diego, mais c'est pas une terre où la TNA a l'habitude de se produire, déjà. Donc, la TNA se produit beaucoup à l'Est, rarement à l'Ouest, et puis là, ils décident d'être à l'Ouest. Ils ont voulu peut-être vendre leurs produits là-bas, mais le problème, c'est que t'essaies pas de vendre un produit sur le déclin, alors qu'on sait même pas s'il y aura un autre Bound for Glory, quoi. Oui, mais ça... Non, mais ça, bon... Non, pas, mais c'est mon avis perso. Ils ont pas fait... Oui, la communication a jamais été leur fort à TNA. Vu que ça fait 6 mois que je j'ai pas fait de podcast TNA, hein, que j'ai pas eu l'occasion d'en parler vite fait, avant d'attaquer le pay-per-view, j'aimerais vite fait faire un point sur l'état moral de la TNA, qui est vraiment mauvais, quoi. Bon, là, ils se sont débarrassés d'un gros fardeau, celui de Hulk Hogan. Mais ça changera pas grand chose si le niveau booking de show comme celui-ci n'est pas d'un meilleur niveau, parce que là c'est niveau booking que c'est pas bon, c'est niveau combat que c'est pas bon, et c'est surtout depuis qu'ils ont quitté leur fameuse Impact Zone, hein, j'ai envie de dire, parce que du coup, en quittant l'Impact Zone, ils ont peut-être perdu leur âme. Ah, on dirait une équipe de Ligue 1 qui parle du PSG. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, Gus, c'est vrai que je suis presque au point de regretter Vince Russo, donc c'est vous dire c'est triste, quoi. J'ai fait un tweet, c'était quand que j'ai regardé le pay-per-view hier, je disais voir que la WWE est à ce niveau, donc déjà que la WWE actuelle n'est pas un niveau exceptionnel au niveau storyline, et quand je vois la qualité des matchs WWE n'est pas non plus extraordinaire en ce moment, et quand je vois ça, mais c'est vraiment consternant, parce que je me suis dit, mais merde, c'est vraiment difficile de faire pire que la WWE aujourd'hui. La TNA, mais l'a fait, mais d'une manière que du sommet, je pensais jamais voir un show comme ça, quoi. C'est le pire show que j'ai jamais vu de ma vie, et j'en ai vu des shows, hein. Et pour démarrer ce pay-per-view, officiellement, c'était l'Ultimate X Match pour le titre X Division de la TNA entre le champion Mannix, Austin Harris, Jeff Hardy, Chris Sabin et Samoa Joe. Des gars qui se sont un peu invités au fur et à mesure, à vrai dire. Et le match, il a duré 11 minutes 58 secondes avec une victoire de Chris Sabin. Si peu de temps, j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et justement, moi je peux donner rapidement un avis sur le fait que justement moi j'ai trouvé vachement court. Et après, j'ai pas trouvé très marquant, même un des plus mauvais Ultimate X Match parce qu'ils ont pas laissé le temps aux lutteurs de donner suffisamment de contenu. Puis la fin est pas très bonne évidemment avec Chris Sabin qui se sert de Bell Sky pour gagner son 7e titre X Division. C'est un record qu'il a amélioré parce qu'il était déjà recordman des titres X Division. Lui qui était champion quand même de la TNA il y a encore peu, champion poids lourd. Hein. Oui, il avait battu Bully Ray cet été lors de Destination X. Ouais, du show spécial, c'est ça. Ouais. Et t'en as sur le match. Ce que je voulais dire sur ce match, c'est que je voulais d'abord parler de Mannix. Ah oui, toi tu découvrais. Ah ouais, non, moi je découvrais Mannix. C'est l'ancien Suicide. Et ça, c'est un scandale. Qui a même révélé son visage en fait. Ah bah, c'est après qu'Austin Harris se soit servi de ce masque pour gruger un petit peu Hulk Hogan à l'époque. Et c'était J. Perkins, le lutteur de la ROH, de la PWG notamment, qui lutte en dessous. Bah là, qui lutte pour Atiené maintenant évidemment. Mais voilà, ouais, c'est sûr que les massacristes gimmick depuis un moment, déjà le changement de nom est catastrophique. Et puis... Ah ouais, non, mais là c'est dégueulasse quoi. Suicide, c'était, je sais pas, c'était un truc de la TNA quoi. C'était un truc sympatoche, c'était un truc à eux quoi. C'est une gimmick bien spécifique pour eux. Suicide n'apparaissait qu'à la TNA, il me semble. Bah oui, parce que c'était un personnage qui a été créé au départ par rapport aux jeux vidéo. Voilà. Oui. Et c'était une bonne idée. Hein. Je trouvais le personnage sympa et c'est con de faire ça quoi. Bah ouais. Surtout qu'il y a aucun intérêt de changer le nom, sachant que c'est exactement le même personnage, c'est ça. Oui, non, mais c'est débile. Non, mais c'est la TNA. Hein. Non, mais c'est la TNA. Puis c'est suite au fait, voilà, que Austin Harris avait utilisé le masque pour gagner le titre lui-même, pour ensuite le cacher pour petit poids lourd. Et en fait, Hogan a dit, vu que Suicide s'est foutu, maintenant je vais maniquer, voilà. Sinon, le match, alors. Moi, le booking de la fin du match, j'ai trouvé stupide, clairement, parce qu'on voit Sabine et Jeff Hardy qui perd. Oh mon Dieu, quel coup, c'était cool. C'est pas stupide, alors ça, c'est Jeff Hardy. Non. Par contre, c'est Mannix. C'est merde. C'est Mannix qui est stupide, par contre, parce que. Tu vois les deux ça essayer de prendre prendre la ceinture, c'est finalement Sabine qui arrive, mais pendant que ce gros con de Mannix est en train d'essayer de ramper avec la corde au lieu de sauter, de faire un saut chassé directement sur l'échelle, eh bien il perd le match comme ça quoi. C'est stupide, mais c'est moi ça m'a choqué quoi, c'est débile. Mais sur la fin, il savait pas se placer pour moi, je sais pas ce que t'en penses Sébastien. Oui aussi. Match, tout ça parce que c'était une mauvaise surprise quand même. Déjà l'Ultimate X, déjà j'ai l'impression qu'il était là pour faire le décor parce qu'il était clairement pas utilisé. Hein. J'ai plus eu l'impression de voir un match de l'échelle que oui, autre chose. Dès que l'échelle était introduite, ouais, c'était. Ouais, mais normalement dans un Ultimate X match, il y a pas d'échelle. Si on peut en utiliser, mais quand même c'est pas conseillé, quoi. Voilà, c'est débile. C'est pas l'essence du match, c'est de grimper aux cordes et d'attraper la ceinture, c'est pas de chercher une échelle. Donc là, quand je vous dis que la TNA est en train de se tuer petit à petit, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, non. Surtout en termes de qualité in-ring, moi j'ai été extrêmement déçu parce que quand tu vois les catcheurs qui sont présents, tu peux t'attendre à un spectacle de fou et finalement t'as un match pourri, extrêmement quelconque. Enfin, je veux dire, ouais, c'est une énorme déception pour ma part. Hein. Et surtout gâcher des talents individuels comme Joe ou Austin Harris dans un match comme ça, t'aurais mieux fait de les mettre en 1-1 par exemple. Ouais. Bah oui, surtout que Ultimate X Match, c'est toujours des matchs attendus. Il y en a quand même rarement qui ont déçu dans l'histoire. Mais voilà, je l'ai fait la TNA, ça encore, hein, décidément. Bah voilà, on a eu le personnage de Suicide et puis Ultimate X Match, catastrophique. Bon après voilà, c'était vraiment un fourre-tout ce match, parce que Samoa Joe avait rien sous la mer. Harry Sardi pareil, bon Sabin, il repartit le zéro avec un personnage heel. Donc voilà, c'est pas trop où ça mène en fait tout ça là. C'est difficile de dire en plus après où les gars ils vont aller parce que moi je peux pas vous aider là-dessus, hein. Je suis pas. Ah non, mais on est incapable de le savoir, honnêtement. Hein. Donc, je sais pas toi Sébastien, mais alors bien malin qui peut me dire ce qui va se passer pour après. Bon, ça sent la rivalité entre Chris Sabin et Osinari, je suppose. Et Jeff Hardy et Samoa Joe, je sais pas trop quoi ce qu'ils vont faire. Mais... C'est ça qui est couillon. Enfin bon. Enfin, je sais pas si, si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match, parce que on va s'éclater pour le prochain match. Éclatons-nous. Ouais, d'accord. C'était pour les titres par équipe de la TNA. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc des Bromans. Et ben, ça y est, là. Ils sont devenus champions, même carrément. Allez, ça y est, carrément. Ouais, voilà. C'est comme Imagine FreeMB, champion par équipe. Ouais. Ils ont battu les champions James Storm et Gunner. Pour 11 minutes 41 secondes. Voilà. Vas-y. Non, mais quand j'ai vu le match, je me suis dit, mais merde. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur le match. C'était pourri, c'était nul. Équipe inintéressante. Non, mais comment tu veux résumer un match pareil, quoi? C'est triste, hein. C'est qui le type, là, qui les accompagne? Alors là, non, mais ce gros black, là, qui ressemble Monsieur à... Monsieur Olympe, je sais pas quoi, qui, là, qui ressemble à Ezekiel Jackson. Mister Olympia, peu... Phil East, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais il sert à quoi, lui? À rien. Il vient d'être introduit dans le groupe, donc on connaît pas trop encore. Mais... Ah, d'accord, ah oui. Donc ouais, non, mais ça sert à rien. Ouais, c'est un bodybuilder, voilà. Oui, ça, j'avais remarqué que c'était un bodybuilder, hein, mais ça va servir à rien, quoi. Je vois pas où ça peut amener. Je sais pas quoi dire. Non, mais à ce niveau, d'ailleurs, voilà, ben, Sébastien qui suit tous les shows va pouvoir, je pense, le dire, hein, l'état de la division par équipe à TNA. Ben, déjà, la visibilité est titre par équipe, c'est catastrophique. Oh, ça dure depuis un gros moment maintenant, ça fait trop longtemps. Hein. À l'époque, on avait une division par équipe extraordinaire et maintenant, on se retrouve vraiment avec une division qui est pire que la WWE. Hein. Maintenant, c'est clairement, ça s'est inversé au niveau du rapport de force TNA WWE. Et voilà, maintenant, tu te retrouves avec les Bromance champions. Je veux dire, c'est triste. C'est assez triste. Hein, voilà. Comme dirait notre ami Renaud, c'est grave. Mmh. Ouais. Le mot s'impose là, effectivement, oui. Ben ouais, ça, moi j'avoue, là je sais pas, là vraiment faut avoir un esprit tordu pour imaginer un tel booking, et c'est incroyable. Pour moi, la qualité du match, je veux dire, elle était encore correcte, hein, je trouve, c'était une bonne surprise, parce que les Bromans, je suis pas habitué à les voir travailler comme ce soir-là, mais le match est pas trop mal, mais c'est le résultat qui est vraiment très très très gênant. Puis la descente aux enfers de James Storm, là, on sait pas trop où ça va. C'est ça va aller. C'est de la tienne, c'est-à-dire à partir du moment où le gars s'est blessé, bah la descente. Hein. L'apparition ouais, dans les shows, hein, les shows proprement dit. Un match James Storm en show weekly, waouh. Ouais, ça remonte. Hein. Ouais, faut des bons souvenirs, hein, parce que et le gars était champion par équipe quand même, donc. Non, mais c'est la tienne, c'est la gestion de la tienne, je sais pas où elle est. C'est qui gère la TNA, honnêtement? C'est Dixie Carter, hein, qui gère cette fédération. Ça fait combien de temps qu'elle la gère? Depuis 2006, je crois, il me semble. Depuis 2006, comment on peut 2004. Passer voilà. D'un travail, d'un super travail, hein, parce que la TNA, c'était une super fédération il y a 2-3 ans. Oui, il y a les différences, c'est qu'il y a des hommes derrière qui ont changé, il y a, bah, oui, voilà, c'est ce que je te dis. Bischoff, par exemple, qui travaille derrière, Jeff Jarrett a été mis en recul, quoique, il paraît qu'il était revenu, je sais pas trop s'il travaille sur pay-per-view, en revanche. J'espère qu'il est pas revenu, parce qu'il aurait perdu ta splendeur, le Jarrett, au niveau booking. Mais je sais pas, bon, mais ouais, c'est des trucs comme ça. Et d'ailleurs, oh, en parlant de booking, de trucs imaginaires, on va parler d'un fait, là, je crois, dans l'ordre du show, c'était un peu ça, non? Qui avait le Hall of Fame avec l'intronisation de Kurt Angle. Oui. Qu'il a refusé. Ouais. Oui, ça c'est de la storyline, ça. Ouais, mais quand même, quel est le symbole à envoyer? Parce que la storyline, c'est quand même le gars qui refuse le Hall of Fame. Hey, t'as pas le droit de faire ça, hein. Je veux dire, le Hall of Fame, c'est quelque chose qui est censé être hors des storylines. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est censé être une récompense suprême, et comment tu peux décrédibiliser ton Hall of Fame qui est déjà pas très crédible, et tu fais refuser oui, carrément. Parce que la Sting, Sting, il a été un peu humilié, parce que c'est lui qui a intronisé tout ça, il a été humilié, je trouve. En plus. C'est incroyable. Non, mais, parce qu'on a déjà eu des gars qui refusaient le Hall of Fame, mais c'est quand on leur proposait, là, le gars, on lui a proposé, il a accepté. Voilà, je sais bien que c'est storyline, mais c'est plus que maladroit. Ils doivent pas... Ça, ils se mangent d'entrée un nouveau symbole. Après, il y a aussi peut-être... Est-ce que c'est lié au récent... à la récente cure de désintoxication qu'il avait dû suivre Est-ce que c'est lié à une storyline où il deviendrait peut-être... Parce qu'il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans le show? J'ai pas encore accompli ce que je voulais accomplir. Est-ce qu'il veut pas être une dernière fois champion du monde polo de la TNA avant d'accepter l'honneur d'être Hall of Famer? Ouais, après il y a une partie de la story. Après, voilà, une story. Ça, il reviendra après lors du match, mais c'est... Ouais, c'est parce que Bobby Roode lui avait dit que ça fait depuis trois quarts de siècle qu'il n'a plus rien accompli, depuis 2011, quoi, en gros, ce qui est pas faux. C'est vrai que depuis 2011, il n'a plus rien avec fait. Il est champion par équipe quand même, hein, avec GC. Non, mais il n'a plus rien fait au niveau simple, avec une grande visibilité, voilà. Oui, non, mais après, ça c'est la faute à la TNA, c'est pas sa faute oui, à lui. Oui, on sait pas trop où la TNA a voulu venir. Ouais, le Hall of Fame, c'est une catastrophe. Enfin. T'as oublié de parler du retour d'Abyss aussi. Ah oui, c'est autant pour moi. C'était avant le match par équipe. Autant ouais. C'est vrai que Daniel et Kazarian ont voulu quand même être du match par équipe. Ça aurait été bien. Et Eric Young est arrivé. Et puis, ben ouais, le retour du personnage d'Abyss, effectivement, qui signifie peut-être la mort du personnage de Joseph Park éventuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être pas la mort, mais... Ils vont, je sais pas ce qu'ils vont faire encore. C'est la TNA, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre surtout au mauvais, quoi. Je pense que la TNA ne sait même pas elle-même ce qu'elle va faire, hein, parce que Joseph Park, ça dure maintenant depuis, voilà, depuis un an et demi. Un an et demi, ouais, ça fait un petit point, ouais. C'était censé durer quelques mois pour réintroduire Abyss, et finalement, il est toujours là, et ça tourne en rond cette histoire, moi, j'en peux plus de ces trucs. Oui. C'est sûr que là, j'espère que vous avez pris un Doliprane avant d'écouter, parce que c'est sûr que... On a du mal à faire les projections à la TNA parce qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, est-ce que Abyss va revenir avec son titre TV qu'il a gagné depuis Slammiversary et depuis n'est plus apparu? Je sais pas. Étonnamment, il était beaucoup annoncé qu'il avait disparu, mais en réalité, il existe toujours. C'est incroyable. On ne sait plus. Non, mais j'ai mal à la tête avec la TNA. Écoutez, bon, rapidement, je pense que ce numéro, on pourrait l'intituler... ce qu'il ne faut pas faire dans le catch. Voilà, je pense. Ah ouais, ouais. Tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, on va parler de la suite. C'est cool parce que les auditeurs, ils ont eu un brainstorming en plein podcast, quoi. C'est la classe. Oui. Non, mais ouais, c'est bien de faire un petit peu le point, surtout que le prochain match, ils vont croire qu'on est encore dans le show de la WWE avec un mauvais côté. Donc, Oui. C'est le Triple Threat match pour le titre Knockout qui était tenu par ODB et qui affrontait, qui avait envoyé Mickey James hors de la TNA en gros. Depuis, Mickey James n'est plus à TNA. Plus grand regret de Verpoix, ou quoi que. Et elle affrontait à peu près les deux seuls valides maintenant qui restent, parce que Tarantella, elle a disparu des radars et puis on sait plus trop qui y a. Boy et Velvet Sky, bon bah voilà, d'accord, et Sabine, mais voilà, il reste Gail Kim et Brooke. Oh, Brooke. Oh là là. Brooke, là, qui est compagne de Bully Ray. Ancienne Miss Tessmaker, hein, mais Et Miss T-shirt mouillé aussi. Hein. Oh, c'est vrai en plus, hein. Non, mais, j'ai un fil de bœuf quand j'ai vu ses fesses. C'est tout ce que je dirais du match, parce que c'est clairement mauvais, mais j'ai eu un fil de bœuf quand j'ai vu les fesses de Brooke. J'ai halluciné. Oui, bon, mais d'accord. On vous postera une photo. Oui, on vous postera une photo éventuellement. Ouais. Mais qui a pu gagner? Parce que, en attendant de se poser la question, c'est Gail Kim, après 10 minutes 19 secondes, et une grande Brooke. Aide de Lady Tapia, de Tapia, Tapa. Tapia. Qui tape sur le système aussi, c'est peut-être pour ça, c'est, voilà. qui a fait une entrée à la Karma. Qui a la Karma, donc elle a foutu un pain à ODB qui est resté KO morte, sur la rampe. Morte. Puis ensuite, Brooke, a essayé de faire le saut, et puis en fait, elle s'est ramassée la power bomb à l'échange. Et puis, à la façon de Tamina Snuka, cette fois-ci, elle a permis à Gail Kim, de finir championne, et finalement, elles sont alliées. Que pensez de cette association et de ce match, Sébastien? Ah, pour moi, c'est le choix le moins logique si on se réfère au storyline actuellement, parce que Gail Kim, on l'a plus vu depuis un mois à Impact. ODB et Brooke, on les voyait encore régulièrement, mais Gail Kim, elle avait disparu des radars, et tout d'un coup, elle réapparaît pour gagner le titre. Bon, je pense que c'est même pas une option pour moi qu'elle gagne le titre ce soir-là. Pour moi, elle était juste là pour faire le match, et voilà, ODB conserverait le titre, et finalement, elle repart avec la ceinture. C'est une surprise pour ma part. Mais je préfère qu'on implique Lady Tapa de cette manière plutôt que de la voir catcher dans les matchs à contre 1, autant qu'elle soit garde du corps, je me dis. Mais oui, c'est d'accord. C'est l'idée de la copie, je parle. On est d'accord, c'est Jelly, quoi. Ouais, Bruce, ah oui, c'est... Bah oui, oui. Bah, c'est pour c'est ça, Jelly la copie. Jelly et Tamina, ouais. On est d'accord. Oui, oui, et puis comme je dis, là, depuis un mois maintenant, en fait, t'as à chaque match les divas. Enfin, des divas, voilà, knockout. Lapsus des knockout. Mais, parce que maintenant, ça devient des divas. Quand je vois la tête à Tess Macker, je me dis « Oh !» En même temps, maintenant, ça devient plus grand-chose, comme je dis, il y a quasi plus personne. C'est la TNA, ça devient plus grand-chose. Mais, restez avec nous. non, mais bon, voilà, elle avait une entrée, elle arrivait façon Karma à l'époque, voilà, qui arrivait sans un mot, et puis qui hurlait, qui défonçait celle qui se présentait face à elle. Voilà, c'est le truc. Après, niveau... Moi, je pensais que ce serait beau qu'il sortirait championne, honnêtement. Ah. Et mais depuis qu'elle est revenue in-ring, elle ne montre plus rien. C'est bon, c'est dans le cadre de son personnage de Midinette, c'est sûr, mais qui montre beaucoup ses fesses. Elle a raison. Ouais, elle fait Pepe Sky à la menthe complètement. Et... et... C'est hallucinant. Hein. Et du coup, bah... Pas résumé quelle a été ta réaction en fait Gus quand Brooke a essuyé ses fesses sur ODB? Ben je me suis dit putain j'aimerais bien être à la place d'ODB et puis après j'ai vu ODB et je me suis dit merde ça gâche l'image. Bon après ils ont tenté de la faire paraître forte aussi avec l'espèce de double portée là à la Ryback. Oui ça c'est normal. Voilà, ça c'est normal. Non, oui, ça c'était attendu, ça... c'était attendu voilà. Le travail de Gail Kim évidemment il est bon après c'est sûr que elle tombe championne. Finalement, elle a pas été autant de fois championne, mais c'est surtout que son précédent règne était très long. C'est ça. Bah surtout que son précédent règne, c'était un règne de championne par équipe des knockouts avec un garçon. Non. Non, tu parles d'ODB là. C'est différent. ODB a été championne. Ah oui, oui, non, mais je te parle d'ODB moi. Ah oui. Moi, je parle de Gail Kim là. Ah pardon, excuse-moi. Ce ODB n'a pas eu un règne finalement bien long. Hein. Elle a pas eu beaucoup de défense. Faut être honnête. Je me demande même si c'était pas sa première défense, donc c'est pour dire. Je sais pas si on peut parler d'autre chose là. Sur les knockouts, je pense pas. Non, j'étais déçu que Brooke elle gagne pas parce que franchement, la plastique qu'elle a, elle doit être championne quoi. Oui, c'est sûr. Bon, mais on va parler de plastique différente parce qu'on retrouve celui qui a refusé le Hall of Fame, donc Kurt Angle, qui a affronté Bobby Roode, une espèce de match revanche de Bound for Glory 2011. C'était un petit peu. Titulé comme ça, bah, la différence que la dernière en 2011 c'était pour le titre poids lourd quand même. Hein. Mm. Donc, et après 20 minutes 58, Bobby Roode l'a emporté d'une manière assez curieuse quand même. Kurt Angle KO carrément. Et puis un scénario de match un petit peu curieux parfois avec Brian Ebner qui a fait un truc assez incroyable à un moment. Je sais pas si vous en souvenez. Non. Kurt Angle tient Bobby Roode avec le ankle lock. Roode est KO. Et puis en relevant le bras là pour faire tu sais le truc si le gars il a ah il lui a retenu le bras les KO mais il a levé le bras Brian Ebner il a levé le bras sauf que c'était contre les cordes et en le rebaissant ben il est tombé sur les cordes ce qui a fait que la prise ben il a lâché ah oui merde ouais. Il y a eu un low blow en suivant à la CM Punk contre Ryback mais sans conséquence mais bon voilà quoi il y a des trucs bizarres comme ça ben Sébastien t'as pensé quoi? Ah, quelle déception, parce que je pense que tous les fans présents dans l'arène voulaient voir ce soir le gros couronnement de Kurt Angle avec une belle victoire contre un catcheur confirmé comme Bobby Roode et une introduction au Hall of Fame, mais finalement, ils n'ont rien eu. Voilà. Donc, quelle déception pour eux, je pense, et pour ma part aussi. Hein. Je veux dire, voir un match qui était plutôt compétitif, hein, la dernière moitié du match était pas trop mal, les débuts étaient assez lents, j'ai trouvé, et pas très emballants, mais la fin était pas mal, mais conclure, juste la dernière séquence de fin me gêne énormément, tu peux pas faire une fin comme ça pour Bound for Glory, je veux dire, c'est assez choquant encore une fois. Hein. Ben ouais. Ah, mais là, c'est problème, c'est que toutes ces fins, juste pour rebondir sur ce que je disais, c'est toutes les fins qui étaient mauvaises. Mais non, contrairement, le match est franchement décevant. Je suis fan de Kurt Angle, hein, mais peut-être, je crois que pour son bien, faut qu'il se barre de la TNA et qu'il refuse vraiment ce titre de Hall of Fame, qu'il fasse un putain de dernier non, run. Non, c'est bon, hein, il a refusé, t'inquiète pas, il risque pas d'être. Oui, non, mais qu'il refuse pour de vrai, quoi. Qu'il n'y ait pas de storyline derrière. Mais... C'est pour de vrai, en même temps, là. Ah, je fais pas partie de Hall of Fame. ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Hein. Oui, c'est un mélange de storyline, mais c'est en vrai aussi qu'il est pas Hall of Fame. Oui, non, mais je sais. Voilà. Je sais, mais c'est fait partie d'une storyline à la base aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Non, à la base, non, en fait, mais... Ah, attends, donc c'est pas une storyline. Ah bon, mais... Faut qu'il se barre. En fait, ça fait partie d'une storyline depuis une semaine avant le pay-per-view. D'accord. Mais ouais, mais c'est quoi cette histoire en fait de EGO Hall of Fame là? Ah bon, on va parler. Alors Bobby Roode, durant les Bound for Glory series, il s'est allié avec Christopher Daniels et Kazarian. Et les trois, ils ont formé un clan qui s'appelait, juste pas trop mal dans l'idée. Le clan qui s'appelait Ego. Ego. Et puis, une espèce de cérémonie du Hall of Fame pour moquer le Hall of Fame de la TNA que Daniel et Kazarian avaient organisé 10 jours avant le pay-per-view, d'introniser Bobby Roode, au Hall of Fame d'Ego, voilà, parce que, et puis, dans l'idée que, puisque la TNA voulait pas introniser Bobby Roode, champion au plus long règne de l'histoire de la TNA, dans son Hall of Fame, il allait faire son Hall of Fame lui-même. Et donc, il a bâché Kurt Angle à dire que c'était pas mérité son intronisation, et puis voilà, Kurt Angle est revenu à ce moment-là, et voilà. C'est vraiment fait au tout dernier moment, quoi, cette histoire. D'accord, ouais, donc, ok, pas de soucis. Non, mais le, ouais, non, comme a dit Seb, le match était décevant, quoi, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, la fin est pourrie, quoi, aussi. La fin est... Non, mais après, ouais, l'utilité de faire gagner Bobby Roode, que j'aime beaucoup, Non, là, c'était vraiment inutile pour le coup, hein, parce que... Non, je comprends pas, à part, assommer complètement, Kurt Angle, qui te dit, que juste avant, il... Non, mais il doit gagner le standard de Hall of Fame, là, c'est loupé, quoi. Non, mais le Hall of Fame a complètement été décrédibilisé, quoi, sur ce pay-per-view-là, en tout cas. Parce que sur le match de Steam, on en a pas fini, on y reviendra après, mais il s'est passé aussi quelque chose de grave, quoi. Non, mais bon, après, c'est vrai que le match, là aussi, je rejoins le sentiment, je crois, de... C'était qui? C'était qui? J'ai trouvé décevant, le match. C'était Gus. C'est avec moi. C'est les deux. Ouais, le match est plus long des pay-per-view, ouais. Non, le main event est plus long, il me semble. Non. Autant pour moi. Ça se joue un peu, hein, mais... ça se joue un peu. Voilà, à la seconde, et les gars, ils ont mis les chronomètres et tout. Donc voilà, non, mais c'est sûr, c'est un peu décevant. Il y a 2 ans, leur match était très très bon, c'était achevé sur une tricherie d'Angle pour gagner. Oui, je me rappelle, ouais. Et bon, ensuite, Roode était devenu heel, donc par rapport à Storm, mais voilà, c'était tout processus enclenché. C'est vrai qu'ils sont capables de mieux, quoi. Le rythme était assez plan-plan, ouais, je me rappelle, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à regarder... le foot américain un peu en parallèle, parce que avant je sais pas pourquoi, comme j'étais quand même hébété par les bromances et le truc féminin, j'avais pas encore mis, mais là. Et vous noterez également que jusqu'à présent il y a eu que des victoires heel, ce qui je pense a aussi contribué au fait que la foule ne soit pas très réactive sur le show. Non, je pense pas, c'est surtout le spectacle proposé, quoi. Ouais, puis on n'est pas au bout de nos pères. Ouais, voilà, puis non, mais franchement, il peut y avoir que des victoires heel dans un pay-per-view si les qualités sont... Si les matchs sont bons, comme à Money in the Bank, hein, il y a quasiment eu que des victoires heel à part la fin, le public était présent, quoi. Mais bon, c'était le public de Philadelphie. Ça rappelle le Bound for Glory, je crois, le Bound for Glory, il y en avait un, si je me trompe pas, c'était bien Bound for Glory qui avait lieu à Las Vegas à une époque. Je peux pas te dire, moi. Qui avait conduit à la création de la Main Event Mafia avant, avec Booker T, Steiner, voilà. Je regardais même pas le catch à cette époque-là. C'était un truc bizarre, parce que c'était dans un casino, en fait, c'était assez bizarre. Je crois que c'était celui de 2009, me semble, de mémoire. 2008, non, plutôt, j'ai une connerie, c'est 2008. Ou c'était peut-être même pas un bon favori, mais voilà, ça me fait penser que c'était quand même un grand pay-per-view de la TNA, et puis... Tous les heels avaient gagné, et puis finalement, voilà, non, ça n'avait pas altéré la qualité. C'est ça, ça dépend. Mais en parlant de qualité, je pense qu'on peut passer au prochain match. Avec les débuts. Qualité. Du fameux, oui. Ethan Carter, the third. Post-pipi. Qui a affronté Northfernum. Northfernum, mais... c'est-à-dire un jobber. Fait quoi, on peut bien se demander qui était le jobber dans l'histoire. Northfernum, c'est un gars, en fait, c'est Peter Avalon, pour ceux qui suivent le catch indépendant, un gars qui lutte la côte ouest, donc un Californien qui lutte notamment pour la Pro Wrestling Guerrilla. D'accord. Un gars qui connaît bien Joey Ryan, par exemple, voilà. Et victoire de Ethan Carter après 3 minutes 26 secondes. Ben honnêtement, moi, au fur et à mesure du match, je me suis demandé si c'était pas une surprise parce que c'était assez ridicule. Fernand était bien meilleur. Bon, Ethan Carter, il faut préciser, c'est l'ancien Derrick Batman à la WWE qui s'est surtout illustré. C'était Derrick Batman, ça? Oui. Je l'ai pas reconnu. Bah oui, c'était lui, oui. Ah, attends, je vais vérifier quand même, parce que je non, vous crois, les gars, mais... Non, non, je vous crois, mais j'ai pas reconnu sa gueule, je vais aller et voir. Et dans la storyline, c'est le neveu de Dixie Carter qui lui a choisi cet adversaire, voilà. Oh, c'est triste. Et c'était sa première apparition, ouais. Faut imaginer. Non, on a déjà eu Fandango à la WWE, c'est vrai. Mais, non, c'est un petit peu différent, parce que Fandango, on l'avait déjà vu. Là, oui. Ethan Carter, c'est vraiment la première fois. Non, mais j'essayais de mettre en Fandango, on l'avait vu, mais pas vraiment vu non plus. Hein. Oui, c'est bah, ouais, je cherchais l'exemple le plus rapproché, parce que c'est un truc de dingue, quoi. Tu fais débuter un gars comme ça, tu le fais un match rajouté dans un grand pay-per-view. La WWE le fait, mais à WrestleMania, ils le font pas quand même. Ils rajoutent pas des matchs à la dernière minute. Et puis, surtout, Ah oui, putain, je me disais bien que sa tête, elle me disait quelque chose. Tout. Oui, non, mais... mais il était pas bon du tout. L'adversaire était meilleur que lui. Le public, évidemment, a bien vu qu'il bidait. Et puis, c'était catastrophique. Mais ce match, il avait sa place à Impact, hein, mais pas à Bound for Glory, hein, tout simplement. Je suis désolé. Hein. Non. Sauf que moi, je lui prédis un run très très faible, honnêtement. Très très très faible. Il a des chances. On sait jamais, hein. Si la TNA fait faillite, il va rester que lui dans le roster. Ouais, si la TNA fait faillite, y a plus de TNA. C'est ça. Ah oui, merde, il retournera à la WWE parce qu'il se fera racheter par la WWE. Oui. Après, il y aurait une storyline d'invasion où ça va être la classe. Non, mais ne pensons pas à ça quand même. Non. Bon, voilà, après ce match, c'est sûr, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus, je pense. Non, pas du tout. On peut passer au prochain match avec le jeune et le vieux de la Main Event Mafia, nouvelle génération, Magnus contre Sting. Victoire de Magnus par soumission. Ouais, alors ça, c'est un scandale. Tu après 11 minutes, 0-5, voilà, vas-y. Non, mais tu fais pas perdre un Hall of Famer par soumission, quoi, surtout Sting, quoi. Ça, c'est des conneries, quoi. Voilà. Tu bouffes ton Hall of Fame, quoi, en faisant ça. C'est vraiment des gros cons, quoi, hein, ces bouquins. Non, mais c'est le prestige de Sting, parce que Sting, il a un rapport très très fort avec Bound for Glory au départ, quand même. Ouais, c'est comme le Tucker avec la WrestleMania, hein. Oui, au départ, voilà, ouais. Ben, jusqu'à ce qu'il ait été battu par AJ Styles en 2009, là, les premiers Bound for Glory, vraiment, c'était colorisé Sting. Même, il est toujours très légendaire, voilà. Non, mais là, tu fais pas abandonner, quoi, c'est que, l'histoire, c'est que Magnus n'en pouvait plus, qu'il échoue à chaque fois sur la dernière marche, et que Sting lui a dit, t'as pas de match à Bound for Glory, je t'en offre un, et voilà. Après, le contenu du match, personne n'a pas trouvé bon du tout. Magnus, je connais bien meilleur que ça. Sting était pas très dedans non plus. On le sentait qu'il était, il était un peu ailleurs. Ouais, mais non, Sting, il est vieux surtout. Ça veut rien dire. Et de temps en temps, il peut livrer un bon match. Ça veut rien dire. Moi, je me rappelle, de son anniversary, c'était un bon match contre Bully Riss. Évidemment, parce que très différent. La stipulation était aussi sans disqualification, hein, Slammiversary, donc ça a pu masquer les faiblesses. Mais Sting, ponctuellement, il peut te faire un bon match, mais ça dépend un peu la trame. Et par soumission, c'est vrai que Magnus, déjà par soumission, il en gagne pas des masses, alors là, voilà. La victoire de Magnus est la bonne décision pour moi. La soumission n'est pas la bonne décision, il aurait dû gagner par tomber. C'est la manière plutôt que je critique. Et le match aussi, c'est pas un accomplissement en soi-même. Ah, le match n'est pas génial, hein, mais bon, ça je m'y attendais, hein, je m'attendais pas à un gros spectacle sur ce match là. Au moins, ils ont saisi l'opportunité de faire une grosse victoire pour Magnus qui en avait besoin. Sting n'avait pas forcément besoin de gagner, et ils ont évité aussi de faire le heel turn de Magnus qui, je pense, serait une terrible connerie parce qu'il est plutôt, même si sur cette soirée ça s'est pas démontré, il est plutôt over auprès des fans, et je pense pas que c'est le bon moment de le faire tourner à heel. Ils ont surtout, j'ai vu sur la fin, hein, et Magnus, au bout d'un moment, au début, il avait l'air gêné d'avoir fait abandonner Sting. Je sais pas si vous avez remarqué ça. On sait pas trop, il avait une réaction étonnante, je pense qu'on aura plus de développement au tout début, quand il voit qu'il fait abandonner Sting, et puis après, petit à petit, il commence à changer d'attitude. C'est surtout, je pense, la surprise d'y être arrivé, et puis ensuite, c'est vrai qu'on se dirige quand même vers un heel turn. Hein. Ah, ça me ferait chier, ça. C'est malheureux, mais ça donne cette impression, hein. C'est vrai, il avait le jeune, d'un coup, qui gagnait son gros match, un peu arrogant, quoi. Voilà. Faut espérer que non, mais bon. Mais Magnus, lui, il a un contrat, c'est un des seuls qui a un contrat solide à TNA, et puis c'est un des chouchous de Dixie Carter, donc il devrait avoir une bonne place, quoi. Sauf si il y a un drame. Oui, un drame, oui, voilà. Mais je pense qu'il va être essentiel. Il va être essentiel pour la tournée en Grande-Bretagne, toute fin janvier, quoi, voilà. Il va être vraiment essentiel. Bah, déjà que c'est le seul anglais qui reste maintenant, déjà dans le coin. À suivre. Donc on passe à la suite, je pense, avec le main event déjà. Oui, il y avait que 7 matchs dans le pay-per-view, mine de rien. Qui a bien duré 3 heures, hein, quand même. Avec le titre poids lourd de la TNA qui était disputé dans un match sans disqualification, une stipule annoncée par Dixie Carter sur Twitter. Lol. Oui. Déjà très drôle, ça. Hein. Oui, sachant qu'elle aurait pu le faire lors de segment de signature du contrat du match qui s'est un peu éternisé, j'ai trouvé. Et surtout que le show était enregistré, donc tu pouvais ajouter un truc au montage très facilement. En plus, ouais, voilà. C'est pour ça. Et ça montre l'organisation à chaque fois qui est catastrophique. Et puis, voilà. Et Bully Ray, qui était champion, donc, accompagné par Brooke. Gus, double ration de Brooke, quoi. Double ration, les gars. Et ouais. Et donc, il affrontait AJ Styles, le sans contrat, celui que Dixie ne peut pas s'encadrer, le Daniel Bryan. C'est ça. Et c'est lui qui a gagné, donc est-ce un signe pour aller. Tant mieux. Après 20 minutes 28. 20 minutes 28 à 30. Vous remarquez quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Moi j'ai fait un constat hallucinant. Avant qu'Hogan arrive. Les cheveux, il manque plus que la barbe aussi. Oui. Donc c'est pas ça, un constat hallucinant. Avant qu'Hogan arrive, regardez, vous vous souvenez qui était champion avant que Hogan arrive à la TNA? Oui, c'était Just Ice, oui. Hogan se barre. Qui c'est qui redevient champion? Ouais, après, je sais pas si c'est une relation. Hein. C'est à mon avis, c'est... Hogan, il prend des fins, surtout. Ouais, non, mais à mon avis, c'était pas une coïncidence. Je sais pas, il a été quand même longtemps champion quand il y avait Hogan. Hein. Il a pas été champion après, quoi. Il a même été sous-exploité, le type. Hein. Là, il redevient champion, c'est une victoire en soi. C'est génial qu'il redevienne champion. En fait, c'est parce que... Ça, c'est génial. Ce type-là est vraiment extraordinaire, quoi. C'est mon chouchou à la tirée. Et je m'en cache pas. Sur deux années catastrophiques et à empêtrer dans l'histoire. Ah oui, mais attends, c'était une storyline de merde qu'on lui proposait, quoi. Pour ça que je te disais, c'était vraiment du caca, quoi. Non, mais sans déconner, on peut pas, la qualité de ce main event, quoi. Il y a pas de rythme. C'est nul. AJ Styles survend les prises de Bully Ray. J'ai trouvé ça médiocre comme main event. C'est Bound for Glory, putain de merde. Hein. C'est Bound for Glory. La TNA se doit faire mieux. Il y a des gens qui ont acheté le show pour voir une telle daube de bout en bout. Pas des masses, mais il y en a qui l'ont acheté quand même. Oui. C'est irrespectueux de la part de Dixie Carter et toute son équipe de proposer un tel produit aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des fans, pas beaucoup, mais il en reste. Mais putain, vous devrez les respecter, quoi. Ils devraient les respecter, parce que regardez la TNA toutes les semaines à ce niveau-là, parce que à mon avis, moi je regarde pas à ce niveau-là. Mais si c'est ce niveau-là, à toutes les semaines, eh ben putain de merde, je souhaite qu'une chose, hein, mais vraiment qu'une chose, c'est qu'on arrête le massacre tout de suite, quoi. Parce que c'est plus possible de voir ça, quoi. C'est vraiment de la merde. C'est le pire show que j'ai vu de l'année, ou même de toute ma vie, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Je crois que c'est pire que pay-per-view, le fameux pay-per-view sur les légendes qui était revenu pour un show à la WCW, je crois, à l'époque. Et encore, je suis même pas sûr que c'était la WCW. Non, c'était un show. WCW. Oui. Et le show. Non, mais ça c'était un show particulier. Mais... Oui, non, mais c'était un show particulier. Je suis d'accord, mais je crois que c'est le pire pay-per-view de l'histoire, quoi. Il y a des matchs. Et par rapport au standing, le pire Bound for Glory, c'est possible. Mais sinon, ça y reviendra d'analyse complète. Seb, t'en as pensé quoi? Ah bah je dis que c'est enfin un moment pour lequel les fans peuvent se réjouir. Hein. C'est peut-être le seul truc pour lequel tu peux être content si t'as acheté le pay-per-view. Voir AJ Styles champion, c'était vraiment la moindre des choses pour Bound for Glory. Au moins que ça finit avec un champion. Et ça finit clean. Ouais. Tant mieux. Enfin, ça finit pas finir clean, hein, d'ailleurs. Le Dixie Carter a combien de fois a essayé de... Bah, dans un match sans disqualification, c'est vrai que la signification de clean, parfois... De toute façon, ça, c'était tellement prévisible qu'il y aurait des interventions. Hein, pas aucun beaucoup, doute là-dessus. Pas beaucoup. En l'état, il n'y a pas grand monde, mais mais franchement, Brook aurait pu tenter, mais elle n'a pas osé. En même temps, tu me diras, Gus, fallait pas non plus qu'elle s'abîme. Non, voilà. Surtout pas, touchez pas ses fesses, quoi. Surtout, oh, c'est interdit. Non, même elle est bonne de bout en bout, cette femme, c'est un truc de ouf. Oui, quand elle était Miss Smacker, justement, elle s'est absentée au moment de la. Ouais, mais je l'avais pas remarqué, ça, quand elle était Test Maker. C'était pour faire une tournée de top model, quoi, voilà. Ah oui, quand même, ouais, non, mais elle a un TQ, quoi, merde. Je pense que ça va peut-être être le demi-point de Thanos tout à l'heure, on verra bien. Mais... ce sera le demi-point et la victoire de Diesel, quoi. Oui, oui, non, mais ça on verra, mais voilà, après sur le match lui-même. Non, mais je te dis. Ça manquait d'imagination, peut-être le match aussi, parce qu'ils ont refait ce qui s'est passé à Saint-Versailles. C'est-à-dire que Bouliré a encore donc enlevé les coutures du ring, a exposé donc les planches du ring comme il avait fait à Sting. Cette fois-ci, il a pas fait le pile driver, il a même pas tenté, je crois. Et voilà. Bon, moi je l'ai trouvé assez intéressant le match, mais il fallait vraiment se mettre hors contexte Bound for Glory, parce que dès qu'on se met en contexte Bound for Glory, on se dit bah, putain merde, c'est la déception. Voilà. Au moins, on a reçu le spot de la soirée. Hein. Je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, mais le sou à l'extérieur sur la table était. Bah, c'était là, honnêtement, bon, j'en parle dans ma review là sur le sketch, mais Jeff Hardy n'aurait pas renié ce spot, hein, vraiment. Hein, le truc. Ouais. Il met son corps en rude épreuve là sur le coup. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Après, ah, c'est vraiment, ça, le match n'a pas beaucoup dérangé, mais c'est vrai que le fait que ce soit main event et ces grands pay-per-view, ça m'a un peu gêné. Et la fin, j'ai trouvé un peu plate. L'après-célébration, je veux bien qu'il n'y ait pas les confettis et tout, mais je m'attendais, je sais pas, un petit truc. Dixie Carter a réagi après coup en disant qu'il y aurait le rematch. Ouais, et qu'il avait gagné une bataille, mais pas la guerre. En même temps, ça fait pire, moi, je crois qu'il a gagné la guerre. Mais... Oui, mais la guerre pour les fans, ça c'est sûr. Hein. Bon, après, Bully Ray, quand même, est toujours très très bon dans ses attitudes. Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair et net. Hein. Il a quand même fait 3 speeches en tout dans ce pay-per-view. Un, tout à la fin du pré-show. Un autre, en coulisses, où il s'adressait là aux deux qui restaient des Season Knights. C'est bon, on n'en a pas parlé, mais bon, il n'y a pas beaucoup à en parler, je dirais. Ils sont démantelés, il ne reste plus que Garrett Bischoff et Knox, c'est-à-dire McKnox. Et puis il a fait notre speech au micro de Jérémy Bourrache avant le match. Ils utilisent beaucoup quand même la hit qu'il a, tout ça. Il est quand même toujours très très précieux lui. Hein. C'est un des points. Mais il faut en profiter. Hein. Il est vraiment génial au micro. Hein. Je rebondis sur quelques personnes qui sur un forum ami de Wrestles Radio, c'est le forum FN Lutte qui critiquait Bully Ray au micro. Enfin, je sais pas ce qu'ils entendent, mais pour moi, c'est juste un génie au micro. Je peux pas dire qu'il est mauvais. Hein. Ah non, Bully Ray est bon au micro, ça c'est sûr. Oui. Le peu que j'en vois à chaque fois. In-ring, il est quand même assez solide par le style stiff. C'est pas ce qui est gênant, hein, je trouve. Voilà. Mais bon, on saura quel style ce champion et puis j'espère que ça va durer. Ah, et puis il y aurait une histoire, c'est vrai. On va finir par ça, je pense. Et ça serait sympa. C'est la Wrestle One, qui est une nouvelle fédération qui a été créée par le Great Muta au Japon, qui a débuté. Et le Great Muta, 2 jours avant Bound for Glory, a fait une conférence de presse où il a dit que la TNA enverrait 2 talents lutter, pour la Wrestle One. Et moi, je suis prêt à mettre une pièce qu'AJ Styles va partir à la Wrestle One. Bah, s'il est champion du monde, ça me paraît difficile quand même. Si, justement, ce serait le truc, parce que pour faire chier Dixie Carter jusqu'au bout, t'en connais, de toute façon. Je sais pas, je connais pas assez cette fédération japonaise pour connaître le style de catcheur qui catch là-bas. C'est pas trop mon rayon. Oh, bah, c'est une fédération qui débute, encore, hein, mais. Oh, il s'appuie sur les vétérans, un peu des gens connus, et puis certains autres un peu plus actifs. Voilà. Enfin, ouais, non, mais c'est vrai que. J'essaie de balancer des hypothèses dans tous les sens, mais c'est vraiment pas évident. La TNA met la tête à l'envers. Déjà, rien que d'analyser le show en soi-même, ça met la tête à l'envers, mais puis... Voilà, quoi. C'est pas trop comment faire. Bon, on va passer aux notes, je pense, en transition. De toute façon, ça m'a l'air assez évident. Alors, la note de Gus. Ah oui, alors, non, franchement, Comme je vous ai dit, je peux pas mettre zéro parce qu'on a vu le cul de Brooke, de Brooke, j'allais dire Brooke Hogan, alors que c'est Brooke Adams à la base. Non, non, non, je vais mettre 0,5 sur 10. Non, non, parce que franchement, j'avais mis 1 pour le Royal Rumble, vu que c'était beaucoup moins bon que le Royal Rumble, et que je peux pas mettre 0 parce qu'AJ Styles a récupéré le titre et qu'on a vu le cul de Brooke. Pardon. Non, non, je peux pas mettre au-dessus de 0,5, quoi. C'était vraiment un show sans saveur, un show merdique de bout en bout. Et franchement, dire que j'ai perdu 3 heures de ma vie pour ça, ça fait mal au cul. Oh, attends, moi j'ai passé une nuit et devant 4 heures. Non, mais ça fait mal au cul, hein? Mais je ferais bien mal au cul de Brooke Adams. Voilà. Ah, j'en étais sûr qu'il allait dire Voilà. ça. Ah, ça, ah bon, alors que as-tu compris le postérieur de Brooke Adams dans ta note, Sébastien? Ah ouais, ça a contribué largement à obtenir le généreux 2 que je mets Oh, sur t'es trop ce tapis gentil! pay-per-view. Voilà, vous savez que je suis quelqu'un qui défend en général la TLA, mais sur ce pay-per-view là, c'est vrai que ça a été catastrophique du début à la fin, et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire dans un show de catch, je vous l'avais ce soir-là, à l'exception du main event. Mais donc voilà, un 2 sur 20, j'ai jamais donné une note aussi basse pour n'importe quel show, et je le donnerai aujourd'hui. Enfin 2 sur 10, pardon. Oui. 2 sur 5, c'est une trop bonne note, t'es fou, toi. Oui, comparé à Pierre Digus. Mais moi, je vais mettre aussi 2, ma foi, je suis assez Oh, généreux. vous êtes vraiment généreux, les gars. Et voilà, non, mais c'est vrai, ouais, c'est bien résumé, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire vraiment dans un show de catch. Après, il y a des contenus de match qui sont plutôt bons, enfin, sérieux, mais clairement, ça manque de beaucoup de choses. Il y a des lacunes, Moi, sérieux. je suis énervé. En tout, les nombres de pay-per-view, mais ça les a tués finalement. Hein. Ouais. Je sais pas si c'était l'intérêt. De base. Voilà. Il souhaitait peut-être mieux les préparer, mais ben non, en fait, hein. Oui. Bon, mais en attendant, ben, je pense que vous attendez tous la moyenne. 1,25. Ah, le 25. 1,5. Ah, j'étais pas loin. 1,5, ouais, je pense que dans l'histoire de Wessels, c'est officiellement la plus basse. Voilà. Ouais, c'est officiel, oui, voilà. Et faut dire que Ne juste Radio avant, ne conseille pas ce pay-per-view. que juste avant, quand même, si vous avez écouté Vintage Bonsoir, Wessels Glory. Review, on a à peu près mis, je pense, la meilleure note pour un pay-per-view de la TNA. Ah ouais, c'est C'était vrai. quoi la note? J'ai pas eu le temps d'écouter encore. Et bien On est justement, sur du. écoutez bien, vous verrez. On vous laisse découvrir, ouais. Voilà. Et quelques réactions auditeurs avec Oui, Griff ce qu'on vous. Rousseau. On vous a Oui. demandé cet après-midi ce qu'on pensait sur Facebook, hein. Et oui, merci beaucoup pour vos réactions. Très rapide, ma foi, ça fait plaisir. Avec Grégoire Rousseau qui a dit les matchs encore ça pouvait passer, mais ce qui fait peur, c'est le nombre de places vides. C'était censé être le plus gros pay-per-view de l'année, ça. Voilà, il se pose la question. Leroy de Rache qui va écrire, c'est simplement beauf. Bof, il a raison. Il a bien résumé la chose, hein. Oui. Ensuite, Nasser Mzembaba qui a dit faible. Au début, je disais moyen, bof comme les autres, mais je suis vraiment frustré que la TNA puisse affliger un spectacle si désolant. Et je n'ai vraiment aucune envie de défendre la Fédé alors que je suis plutôt humble comme fan. Ça fait penser au discours Sébastien, ça, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et Alexandre Charpentier qui a dit très bof, Il a je dit me suis bof. endormi à partir du match des knockouts. Et une réaction aussi sur Twitter, ça nous fait plaisir, ma foi aussi, de réagir sur Twitter, et c'est Kigus. C'est un certain Julien Brion, alias @ju16brion, qui nous dit pour le show de l'année de la TNA, j'ai trouvé ça moyen, déçu de la fin du X-Div, un main event solide, bon match Englewood, le reste, c'est sans intérêt. Et tout ça en deux tweets, hein, parce que les 140 caractères sont dépassés au niveau. Oui, évidemment, oui, bah oui. Au Vous niveau, pouvez bien nous sûr, du envoyer premier des tweet. tweets, il n'y a pas de souci, tant que vous réagissez. Ah, et puis un grand merci aussi à la réaction de Nasser Mzembaba en privé. Ça nous fait plaisir d'avoir les réactions où il nous parlait du Miz. Ma foi, on n'en parlera évidemment pas là, bien sûr, comme c'est à On en parlera peut-être dans le prochain Linocell, s'il veut. Oui, voilà, mais The Miz risque d'y être, donc oui. Ah, Honnête. ah bon? Oui. La Oui, tristesse. voilà. Bref, donc, mais là, le sujet c'est à TNA. Donc on va vous rappeler que vous pouvez écouter Vintage Bound for Glory qui va vous faire chaud au cœur, je pense vraiment. Il y avait du bon à la télé. C'était il y a 8 ans. Bon, il y avait du bon aussi il y a un peu plus récemment, hein, faut pas exagérer non plus bien sûr. Voilà, ça mais c'est ça, pas c'était partie... avant. Donc la liste des partenaires avec FN Lutte, t'en parlais tout à l'heure du forum évidemment FN Lutte, c'est là que Sébastien va poster le podcast. Voxcatch avec Gus qui se remet à écrire souvent là maintenant. Ouais, je suis un trahisseur. Daniel Bryan, il fait des reviews de show de la WWE, il fait des Vox classiques. C'est la folie Gus en ce moment là. Il y a un peu moins quand même, Voxcatch, il y aura ma review de Bound for Glory. J'ai jamais été aussi actif sur Voxcatch depuis le début de l'année. Ouais. S'il y en a un qui écoute, je suis pas sûr, mais top level, prends-en de la graine. La Wrestling Evolution League aussi, sur laquelle Gus va poster le podcast. Oui. Et d'ailleurs, oubliez pas la saison 6 qui débute bientôt. Là, ils vont fermer le forum pour une petite rénovation, puis ensuite on aura le droit, bien évidemment, à la saison 6, l'ouverture de la saison 6. Et il y a des préinscriptions qui sont ouvertes sur le site pour cette saison, donc allez-y, allez vous inscrire et vous serez sûr de pouvoir jouer. Mais bon, vous inquiétez pas, vous pourrez jouer quand même, hein, même s'il y aura toujours de la place. Ah voilà. Et puis d'autant, parce que vu le nombre de lutteurs qu'il va y avoir. Bah oui, en plus avec la sortie du jeu, là il y aura plus de monde qui va bientôt arriver. WWE 2K14 là qui va sortir. Et franchement, à 40 euros sur le net, vous courez-y quoi. Ouais. C'est sur la Fnac, c'est ça non? Ouais, Fnac, Amazon, tous ces sites-là, il est pas cher. Non, n'hésitez pas. Après commandez, voilà, comme Gus. Si vous précommandez, vous aurez Ultimate Warrior. Waouh, en plus. Votre partenaire aussi Instant Catch, bon c'est ainsi un peu en sommeil il faut avouer, parce que bon c'est ainsi les pay-per-views sont un peu pourris, parce que ça devait douler aussi, faut pas se mentir, il y a pas de gros match à relever c'est ainsi. Et deux, Vincent est un petit peu overbooké, enfin occupation, les études de droit, voilà, on vous dit tout, donc études de droit, ouais, enfin bref. Le fou, il est en droit. Votre partenaire Catch Azeum et Révolte avec Kevin qui sera du prochain podcast. WWE, pas TNA, faut pas déconner. Ah oui, bon, le prochain podcast TNA, j'avoue, j'ai un peu de mal à vous donner un rendez-vous précis, je sais même pas quand. On sait pas. Peut-être pour les awards. Ça peut être marrant pour que tu nous sortes. Il n'y aura pas beaucoup, hein. Il n'y aura pas beaucoup, mais il y en aura peut-être quand même. Faut peut-être tenter les Gérard de la TNA. Ah ouais, ça on peut le faire par contre. Ça, les Gérard de la TNA, on peut rigoler, ouais. Et vous pouvez nous retrouver, nous suivre bien sûr sur Twitter, l'adresse @WSSRadio, le Facebook WSSRadio officiel, entre parenthèses officiel. Nous écoutez aussi et n'hésitez pas à nous suivre, c'est plus facile comme ça pour savoir quand on sort les podcasts précisément. YouTube, le compte de WSSRadio, et aussi sur Archive et sur iTunes, vous pouvez nous retrouver. Voilà. Et n'hésitez pas à voir à réagir sur Wessels, bien sûr, le forum, et à nous écrire par mail à l'adresse wesselsradio@gmail.com. Tout attaché en minuscule. Non, mais attends, ce que je peux dire, c'est que Brooke, elle m'a quand même tendu la perche, hein, mais violent. Hein. C'est bien, ça va être une bonne conclusion, tiens. Et les prochains rendez-vous, ça va être la WWE avec, dès la semaine prochaine, le podcast Hell in a Cell. Tout va très très vite. Ouais. Et... Pire qualité, on espère, parce que c'est vrai qu'on est sur un mauvais cycle, mine de rien. Oui. Entre-temps, vous inquiétez pas, le mois de novembre risque d'être chargé aussi niveau podcast pour nous, parce qu'on va fêter nos 3 ans. Oui, déjà, oui, anniversaire. Et puis il y aura un Vintage Wrestle Survivor Series. Et les Survivor Series, bien sûr. Ça sera le show de 1995. Faut le préciser quand même. À l'avant-première. Voilà. Donc bon, mais on espère que vous avez apprécié le podcast, au moins apprécié, je veux dire, tous les passages trolls et puis surtout le guide. Si vous voulez faire une fédération, ne faites pas ça chez vous. Donc Non, ne faites pas ça tout court. Pas que chez vous. Ne faites pas le travail de la TNA. Hein. Cependant, on va quand même vous laisser avec le thème de Justice qui est magnifique. Il rock. Ah, il s'impose ce soir. Voilà. Quand même, l'honneur, c'est le point positif majeur du show. C'est le point Godwin. Voilà. Donc, culture. À la prochaine. À la prochaine, et puis on espère qu'il y aura du mieux un jour à Tiené. Ciao. À mon avis, c'était le dernier. Adieu. Oh non, non, non. À ciao.